freine. Tremblement de ton ombre au vent, en ta respiration folle, il naît soleil, même levant, dont ne soient tes feuilles l'idole, quand elles tissent en rêvant un tel silence de paroles, que ta fugace parabole inscrit sa courbure frivole au plus secret du cœur vivant.